Comment vas-tu? Eh bien, ça va. Ça va Ça va. bien? Je me prépare à... On se prépare à repartir sur Clisson parce que avec. Bonjour, Bonjour Dominique. Rodrigue. Ouais. Tu te préparais, Philippe, à repartir sur Clisson? Ouais, je repars sur Clisson because bah, avec les mesures gouvernementales, y a les enfants là-bas qui sont un peu en vadrouille parce que tout ça a pris de court tout le monde. Notamment tu sais, les nounous et tout ça. Donc, il faut assumer de la garde d'enfants. Voilà. Bon, et ben voilà, ben, bon courage. Et Rodrigue, t'es tout bleu, Rodrigue. C'est la bronchite qui te rend tout bleu? Je suis ravi de vous revoir. J'ai eu deux bronchites, en fait. Un qui n'était pas bien guéri, et puis ça a recommencé. Et j'étais vraiment peu bien, et j'ai beaucoup toussé, tout ça. Mais ça, c'est fou ce que ça peut prendre du temps. Et le vaccin contre la grippe n'y aide pas, mais rien du tout. Voilà. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché le vaccin Oui. contre la grippe? Non, une bronchite. C'est pas trop de fièvre, mais c'est on se sent vraiment très mal. Et je suis à la maison, j'ai une pièce où je me suis retiré pour beaucoup dormir et avec beaucoup d'air humide. Mais même ça n'aidait pas vraiment. Mais bon, c'est en train de partir. Mais ça Bon. peut prendre du temps, je ne me rendais pas du tout compte. Et quand on devient plus âgé, ça prend plus de temps pour guérir par rapport à autrefois. Eh ouais, eh oui, et voilà. Bon, bah, on apprend à vieillir. Alors, c'est viral ou c'est... Je pense que c'est viral, oui. Bien Oui. sûr, ouais, c'est viral. Mais bon, je m'y connais, je ne suis pas médecin. Mais en médecin, tu as pris on t'a donné des antibiotiques ou pas? Non, non, non, non. Non, donc c'était viral. Oui. Alors, c'était viral, oui. Oui. Non, c'est bon sirop sucré avec du thym dedans. Ça, Ah, ça fait. ça c'est bien ça. Et puis dormir assis la nuit, ça c'est moins drôle, mais bon, C'est c'est bien. moins facile, moins facile. Alors, Rodrigue, avant qu'on commence nos travaux de ce jour, est-ce que tu as pu suivre un petit peu tous les déroulements de la venue de Philippe à Auray, oui. de tout ce qui s'y est passé? Claude, merci beaucoup pour les photos d'abord. Ça donne une Oui. très impression. Oui. J'ai eu un peu peur de voir Philippe debout sur les passerelles, puisque c'est quand même beaucoup plus profond que je croyais quand on fait une petite chute ou qu'on glisse. Il faut faire vraiment attention. Voilà, Mais oui. tôt aussi de la barrière, du portail, des deux chevaux en fer, j'ai beaucoup aimé. Bon. Et puis naturellement le podcast. Ah, bah oui, bah le podcast, ça suit, voilà. C'était. Formidable. Merci beaucoup pour ça, Claude. Bon. Eh bien, c'est Philippe qu'il faut remercier parce que c'est quand même lui qui a fait le job, hein. Oui. Alors c'est impressionnant, Philippe. Je ne me rendais pas bien compte. Et quand j'ai lu la lettre du 7 avril, qui est magnifique, toutes mes félicitations pour ça. C'est magnifique. Oui. Impressionnant. Quel boulot, quel travail, quelle précision aussi. Non, Disons que j'ai cette lettre, j'ai mis pas mal de temps à la pondre, puisque je suis quand même, enfin le séjour s'est arrêté le 28, donc je suis reparti le 29. Et en fait, j'étais jamais très satisfait, nuit après nuit, j'étais pas très satisfait de ce que j'écrivais. Donc je reprenais. Il y a juste en fait les dernières, je dirais les derniers moments qui m'ont dit c'est le moment maintenant de faire. D'autant plus qu'on est en. Oui, c'est que le temps passe le temps passe, et mais... qu'il y avait pas mal de gens qui restaient en attente. Et donc, la lettre, en fait, a été envoyée à beaucoup plus de gens que la dernière, la numéro 6. puisqu'il y a pas mal de gens qui ont donné leur adresse quand ils sont passés sur le terrain. Excellent, excellent. Donc on a d'un potentiel qui a augmenté. Maintenant, est-ce que ce potentiel, est-ce qu'on va transformer l'essai avec des gens qui vont véritablement s'investir dedans? Bon, on va voir. Je vais voir. Mais n'est-ce pas, ton activité t'a presque forcé à finaliser ce chapitre sur papier. Et ça, c'est l'avantage quand il y a des dates fixes. Oui. Pour semer et tout ça, c'est oui, ça demande beaucoup de travail, mais c'est formidable que ça avance comme ça. Mais c'est le fruit d'un long chemin de mûrissement, de réflexion. C'est en tout cas félicitations, hein, félicitations. Bon, j'étais beaucoup sur le terrain. Je vous signale que c'est une marche que l'on fait ensemble et que chacun fait sa part selon ce qu'il peut faire. Donc, et ce qu'il peut et ce qu'il sait faire. Donc, contrairement à une entreprise, je ne demande pas du travail à chacun, c'est plutôt l'accompagnement. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, là, justement, par Skype, qui est très utile. Même si de temps en temps, Sylvie me dit « Ah, je ne sais pas ce que vous discutez là ensemble. » Enfin, c'est tout un... Mais c'est nécessaire de discuter parce qu'on a d'autres points de vue. Et c'est bien parce que, justement, on est trois et dans les trois, on a des différents points de vue. Et ces points de vue, en fait, s'enrichissent aussi des autres, dont Sylvie, dont... Stéphane, qui était sur place et qui m'a donné aussi un coup de main, qui a été le premier à me renvoyer sa cotisation. Tout de suite, il l'a fait. Dès qu'il a reçu le 7, la toc, il l'a envoyé. Bon, comme ça, c'est... Ah, c'était bien. Non, c'était aujourd'hui, en fait. Voilà. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de discussions avec Gilbert sur place, qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Alors, c'est vrai que notre correspondante de la mairie, là, tu as réussi à la joindre, Claude, parce que oui. Moi, pour moi, elle donne plus signe de vie. J'ai réussi à la joindre et je lui ai expliqué. Déjà pour expliquer à Rodrigue, la correspondante de la mairie était venue faire une petite interview de Philippe et puis du groupe pour expliquer sur le journal municipal de Auray. Ce qui se passait sur le jardin merveilleux. Et elle parlait peu, mais tu sentais qu'elle prenait les notes au bon moment, qu'elle allait bien, la fille, et puis elle est jeune, etc. Et là-dessus, elle a posé des questions très pertinentes à Philippe. Et derrière ça, je me suis dit, voilà, ça peut être quelqu'un qui peut, à titre personnel, non pas au titre du Jardin Merveilleux, mais à titre personnel de moi-même, de travailler avec elle sur Auray faire des jolies rencontres et faire de beaux podcasts avec elle, parce que comme elle veut être écrivain public, moi je pourrais enregistrer tandis qu'elle l'écrit, voilà. Bon. Et c'est une collaboration que je veux lui proposer. Alors, je ne l'ai pas encore fait, je l'ai eu au téléphone, Philippe, mais c'était son dernier jour à la mairie, et elle m'a dit, laissez-moi un peu tranquille pendant quelques temps, là, parce que elle va se mettre à son compte, et de ce fait, laissez-moi arriver, quoi, et puis on reprendra langue. Alors, moi, je vais la rappeler la semaine prochaine ou celle d'après, il n'y a pas urgence. Mais d'accord. J'ai bien ses coordonnées, j'ai bien son contact, et tout, Philippe. D'accord. Excellent. Moi, j'ai plus de contact avec elle, puisque maintenant qu'elle est partie, c'était le service communication de la mairie que j'avais en mail. Oui. Et donc, on verra. C'est vrai que je ne cours... En fait, je ne veux pas courir après les gens. Je veux surtout, en fait, proposer des choses... dire les choses telles que je les vois, c'est un peu le but de la lettre numéro 7, et puis voir en fait considérer ça comme une semence, c'est-à-dire qu'est-ce que ça va donner derrière ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se lever ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont laisser tomber parce que c'était pas ça qu'ils voulaient ? Ils voulaient planter des tomates et puis c'est tout. Enfin, tu vois, des... c'est un peu ça. Ça permet de faire aussi le tri. Propre timing, n'est-ce pas ? Pardon ? Tu as envie de peut-être les contacter, puisque quand on se fait surprendre par une visite des personnes inconnues, c'est. Oui. Délicat, c'est beaucoup mieux de garder l'initiative. Oui. Rodrigue, j'ai l'impression qu'il y a un peu de friture sur ta ligne. Ah mince. Non, il y a de la. On entend une espèce de radio derrière. Il y a de l'écho. C'est juste. Ah, il est au courant, ça va. Il devait y avoir la télé derrière. Je sais pas, il y a un écho. Voilà, excuse-moi. C'est pas grave. Alors, je me faisais une réflexion, là, depuis que tu es parti, Philippe. Il y a des gens qui passent devant le jardin, mais qui ne s'arrêtent pas. Oui. Alors, je pense que quand tu vas venir au mois de mai, il faudrait qu'il y ait une sorte de miroir aux alouettes sur le jardin pour que les gens puissent s'arrêter et regardent, quoi. Et prennent conscience qu'il y a un jardin merveilleux. Parce que là, maintenant, Philippe a enlevé la pancarte. Et, la banderole. Et derrière ça, eh bien, maintenant, les gens passent, mais ne s'arrêtent pas. Donc, il faudrait les fixer un peu, Philippe, avec, je ne sais pas, quelque chose. Et puis, peut-être avoir une sorte d'enseigne, jardin merveilleux, sur le grillage, en plus. Oui. Tu vois je note, oui. Hein? Donc, Parce que faut les arrêter un peu, parce que t'as pas beaucoup de monde qui passe, mais le peu qui passe, c'est bon à prendre, quoi. Oui, c'est sûr, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a à voir ? Il y a pas mal de choses à lire et à voir, parce que tu nous avais envoyé un mail concernant l'émission sur Arte, je crois. C'est Arte, Les chemins du sacré. On va en parler, parce que ça, c'est intéressant. Il y a des articles qui sont sortis aussi, justement sur... hier, c'était... Ou c'était ce matin, là, ils ont parlé sur France Inter, la journée de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire, biodiversité ? Enfin bref, il y a pas mal de questions qui se posent. Et puis, j'ai reçu aussi le journal, le e-journal du Cap des Possibles. Ah, très bien. Donc, de Auray, qui me donne en fait une bonne impression qu'il y a pas mal de gens qui veulent se bouger, mais que en fait, c'est un ordre dispersé monumental. Voilà. C'est-à-dire, chacun fait son truc, et puis se préoccupe pas, et puis recherche des sous pour son truc, et des bénévoles pour son truc. Voilà. Mais c'est planétaire, Philippe, ça. Voilà. C'est pas qu'à Auray, c'est sur toute la France et toute la planète. Donc, tu posais la question de savoir qu'est-ce qu'il y a à voir sur le jardin. Moi, je ferais un écriteau quelconque en disant que ça allait venir, que le merveilleux allait apparaître, bon, qu'il fallait être un peu patient. Mais l'intérêt de la communication comme ça, c'est de faire un peu de teasing et que les gens reviennent. Et voilà, ils n'y pensaient plus, puis ils repassent devant, ils vont s'intéresser petit à petit, quoi, si tu veux. Mais la vraie communication, c'est sur l'ensemble de la ville de Auray, quoi. Donc c'est tout ça qui va se mettre en marche. T'as eu un... Donc l'idée, c'est que quand ils passent, ils s'arrêtent, qu'ils pensent jardin merveilleux pendant quelques secondes, et puis voilà. Tu as eu un très bel article de la part du Télégramme. Oui. Tu as vu que c'est Michaela qui l'a récupéré, celui-là. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup, Michaela. Oui. Voilà. Mais c'est surtout que, en tout cas, la fille a été très efficace, puisque ça a été du jour au lendemain qu'elle a mis ça. Plus efficace que Ouest France, de ce côté-là. Ah, ça, c'est sûr. Bah, la fille de Ouest France, bon, allez. je pense que la fille de Ouest France, elle fait de l'entre-gens, quoi. Elle est là, on l'a rencontrée pour le dire à Roderick, mais bon, elle apporte rien, quoi, la fille. Alors que la fille du télégramme, elle a accroché, et puis elle a bien perçu ta réflexion, elle l'a bien retranscrite, c'était bien. Ouais. En fait, la différence, c'est que la fille du télégramme a fait son article, et c'est son article qui est sorti. Alors que Ouest France, en fait, elle soumet l'article et c'est la rédaction qui choisit derrière ce qu'elle va faire paraître ou pas. Et ça, c'est ça veut dire qu'elle n'a pas une position de force. Là, Cathy. Oui. Je suis pas. Si tu veux, elle marche. Nous, on les connaît bien les deux. Hein. Mmh. On les connaissait bien à Quiberon, donc je pense pas que ça soit très différent à 25 km de là. Mais la fille de Ouest France, elle ne fait pas le job, c'est tout. Elle maîtrise très bien. L'un comme l'autre maîtrise très bien. Bon, c'est tout. Il ne faut pas. Bon, voilà. Donc, tu as bien accroché avec le télégramme, c'est très bien. C'était bien lu. Tu as eu beaucoup de retombées, hein ? Il faut le dire. Ça, c'est bien, hein ? Disons que les retombées qu'il y a eu étaient essentiellement dues au télégramme. Bah, bien sûr. Ah oui. Ah oui. Ouais. Très bien. Bah, ça a été du jour au lendemain, et en fait, le lendemain, c'était le dernier jour. Donc, il y en a qui se sont précipités pour voir un peu ce qui se passe, quoi. Donc, ça a été pas mal, quoi. Et puis, c'était les... À partir du moment où... j'en discutais un petit peu avec Sylvie. Là. À partir du moment où tu passes sur le terrain et qu'il y a quelqu'un sur place, que la porte est entrouverte... tu es tenté de rentrer. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que les gens qui sont tentés de rentrer, il y a aussi les chiens, et ça, j'aime pas trop. Ça dépend des chiens. Oui, c'est ça, mais en fait, à partir du moment où il y a des gens qui promènent leurs chiens, après ça, le chien rentre, il se met à courir un peu partout, en fait, c'est pas un jardin à faire courir son chien, c'est tout. Bon. Et le dernier jour, il y a eu combien de personnes, pour avoir une petite idée? En fait, pour les deux derniers jours, là où j'ai eu le plus de personnes, c'était une dizaine, une douzaine. Ah oui, ouais. Oui. Une douzaine, j'en ai eu plus, mais en fait, j'ai récupéré une douzaine de personnes, donc 6, 7 adresses mail, voilà. Les autres ne voulant pas forcément laisser des choses. Bon, je ne peux pas les forcer à faire quelque chose hein, en la matière. En fait, ce qui était intéressant, c'est surtout la motivation de chacun. C'est-à-dire, on a vraiment des motivations qui sont complètement différentes. Ceux qui sont venus par le télégramme ont lu l'article du télégramme qui était quand même assez précis, détaillé sur l'objectif. Dedans, il y avait la fameuse... la référence au tableau de Michel-Ange, tu vois, avec entre le doigt de l'homme et le doigt de Dieu, quoi. Voilà. Oui. Donc, il y avait un aspect symbolique et spirituel qui était dans cet article, qui ont fait que ça a éliminé d'entrée ceux qui venaient pour planter les tomates. Quoi. C'était des gens qui ce sont des gens qui se posent des questions sur où va-t-on. En gros, c'est où va-t-on. Voilà. Oui. Et alors, j'ai eu un couple qui me disait « Oh ben, nous, on n'a plus envie de rien. Donc, comment s'émerveiller ?» Donc, eux cherchaient, en fait, comment s'émerveiller. Et puis, il y en a un autre, c'était « On a fait quelque chose pendant 25 ans, on a travaillé sur un jardin, et puis maintenant, on a été obligé de le vendre parce que l'âge arrivant... » on ne pouvait plus l'entretenir, et en fait, ça a été racheté par un promoteur qui va tout déglinguer. Et voilà. ce qui montrait aussi que ça ne peut pas, le projet ne peut pas être un projet perso comme ça, qui a en fait une finalité temporelle. Si c'est uniquement quelque chose où on se fait plaisir, ben, quelqu'un d'autre se fera plaisir avec autre chose dessus, et puis voilà, c'est ça. Ah, oui, oui. Notre vision est quand même un peu plus, je dirais, durable. Si c'est ARIA 2E2D, hein, éducation à l'environnement et au développement durable, il faut que ça soit durable. Voilà. Oui. Voilà, c'est ce genre de... En fait, c'est ce genre de personnage que j'ai eu. Couple de jeunes aussi voulant s'installer dans le secteur et disant, ben voilà, c'est ce qu'on cherche. Déjà, on ne trouve pas dans le secteur, on n'arrive pas à louer quelque chose, c'est beaucoup trop cher ce qu'il y a à louer. Et puis par ailleurs, on n'aura sûrement pas un jardin comme ça. Et on voudrait voir plus loin. Voilà. Si on s'installe, c'est pour voir plus loin. Donc ce sont tous des couples demandeurs. Voilà. Et je pense que Geneviève, qui est venue et que Claude a vu, et qui a planté un arbre, elle aussi, elle est à se poser la question, bon, c'est bien aujourd'hui, mais après, voilà. Et Geneviève, c'est une dame qui est retraitée, qui est âgée, mais il y a beaucoup de gens qui se posaient ce genre de questions. C'est les anciens qui sont là avec la menace du Covid, est-ce que demain je vivrai encore? Où va-t-on, sachant que les politiciens, en fait, disent qu'il faut absolument retrouver le niveau d'avant, ou de retrouver la dynamique économique d'avant, ça perturbe, ça. Ça veut dire, bon, bah, il n'y a rien qui change, quoi. En gros, c'est il n'y a rien qui change. Je pense, Philippe, que c'est... Toi, je t'écoute attentivement, parce que c'est intéressant. Tu es en train d'intégrer la dimension... qu'a le jardin chez les autres. Et je pense que, en matière de communication, c'est très important de comprendre ce que pensent les autres, ce qu'attendent les autres, parce que ça peut orienter ça peut orienter ce jardin vers les autres, quoi. Tu le calmes mieux. Tu comprends ce que je veux dire? C'est plus formalisé comme ça. Et je pense qu'il faut que tu sois très attentif à ce que disent les autres. Comme ça, ça va te permettre de donner une orientation qui te convient, bien sûr, au jardin, mais qui convienne aussi aux autres. Oui, tout à fait. C'est déjà une dimension qui, je dirais, que je vise. Je ne fais pas un projet pour... Je fais un projet parce que je le sens. Je ne fais pas un projet parce que c'est un truc qui va marcher, parce que c'est dans l'air du temps ou quoi que ce soit. C'est parce que je le sens. Et d'entrée, ça a éliminé toute une série de personnes qui venaient uniquement pour faire jardin partagé. Et j'en ai eu quelques-uns pendant ce séjour, et notamment quelques coups de fil de gens qui font des jardins partagés ailleurs et qui s'imaginaient qu'on allait faire un jardin partagé là aussi, à savoir aller cultiver des tomates et des poivrons et des trucs comme ça. Et non, j'ai dit oui, on peut discuter, mais l'objectif n'est pas en tout cas pas que ça. Voilà. C'est ce qui a fait disparaître, par exemple, enfin disparaître, ils ne sont pas disparus puisqu'ils sont, voisins, hein. Monsieur Marais, qui est juste au-dessus, et qui ne cesse de regarder ce qui se passe dans le jardin tout en disant « je ne veux pas m'y intégrer, mais j'aimerais bien faire courir mon chien dedans ». Voilà. Et un peu plus au-dessus, c'est le couple d'architectes qui passe son temps à voyager sur son bateau à travers le monde, dont la femme était venue donner un coup de main à Sylvie à un moment, et puis à partir du moment où il y avait une dimension plus ou moins spirituelle, ils se sont éloignés. Voilà, c'est un peu ça. De toute façon, ça fait reculer déjà, ça fait avancer, mais ensuite reculer les personnes qui ont déjà des idées sur ce que ça pourrait être pour eux, mais ça leur donne du temps aussi pour réfléchir, parce qu'ils sont encore sur place. On a des personnes qui posent des questions, il y en a des et qui passent, un peu comme Geneviève qui disait « moi je fais tous les jours ma marche ». Et elle passe devant ce jardin, Donc ça me fait plaisir de voir et de m'y intégrer. Voilà. Toi aussi, d'ailleurs, tu passes aussi, Claude, devant ce jardin. Il y en a d'autres qui ne passent pas et qui viendront exprès, qui sont... Ah non, Geneviève, elle disait... Oui, elle est à Plunerette. Elle est à Plunerette. Donc, c'est pas très loin. Elle fait une partie en voiture et une partie à pied. En fait, c'est, quand tu dis « j'intègre la dimension que les autres ont du jardin », c'est plutôt... j'essaye d'adapter un peu ce que je dis par rapport à ce que je vois, à ce que je sens, à la sensibilité des personnes qui viennent. Mais mon idée, elle reste mon idée. C'est quand même... je ne fais pas un... je dirais... on ne va pas faire n'importe quoi, sur ce terrain. Sans faire... Excuse-moi, Rodrigue. Sans faire n'importe quoi... Il est important que tu mesures bien ce que l'autre pense. Oui. Ton libre arbitre doit être préservé, c'est bien évident. Mais si tu tiens compte de ce que l'autre pense, tu avanceras. Tu avanceras. On n'avance que par les autres. On n'existe que par les autres. Soi-même, on n'est rien. Soi-même. L'idée des autres... vont faire que ce jardin va prendre naissance et grandir. Mm-hmm. Mais c'est un peu comme ça, c'est en discutant, justement. D'ailleurs, ça prenait beaucoup de temps, d'ailleurs, dans ces discussions. J'ai très peu travaillé dimanche, en fait. Et c'est en parlant qu'il y a certaines réticences qui finissent par tomber et qu'on arrive au fond des choses. C'est un peu comme ça que je suis arrivé à la... dans le couple qui avait passé 25 ans à faire leur jardin, avant de savoir, en fait, pourquoi ils étaient tellement désillusionnés, tellement, aigres en la matière, j'ai compris, après. C'est qu'ils avaient fait quelque chose qu'ils pensaient très chouette et que, en fait, ça n'allait pas durer. Et c'est vrai que j'ai regardé l'autre jour à la télé le truc du facteur cheval. Ouais. Le palais du facteur cheval. Ouais. L'histoire du facteur cheval avec Gamblin dedans. Et c'est un... par certains aspects, ça prend un chemin de ce type-là, sauf que, en fait, le facteur cheval, il a fait ce qu'il voulait. Enfin, voilà. Il s'est pas trop préoccupé de savoir ce qui comptait autour. Il avait déjà son idée. Et puis il avançait au fur et à mesure par rapport à la nature. Enfin, il y avait pas mal de choses, quoi. Alors, Pardon, excuse-moi Philippe, je te coupe. Si on parlait un peu des chemins du sacré, est-ce que cette émission vous a inspiré, Rodrigue? Alors moi, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas pris le temps de le voir encore. Je l'ai gardé puisqu'il est en replay. Ce truc-là, et donc je vais le voir, mais je n'ai pas pris le temps de le voir. Rodrigue, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Oui, je l'ai vu, c'était très divers, très intéressant, et c'est resté aussi très à la surface, donc on montre un peu des films, des belles choses, des choses incroyables, mais on n'entre pas en matière, hein, on n'entre pas dans le contenu. C'est évolué, puisqu'autrement, ça aurait été une émission sans fin. Pour rester à la surface, j'ai trouvé intéressant. C'était très intéressant parce que, et je pense que ça a tout à fait cette réflexion-là, ça a tout à fait cours dans notre discussion d'aujourd'hui. Philippe vient de nous raconter les différentes perceptions qu'ont les gens du jardin merveilleux, en fonction de leur passé, en fonction de leur vécu, etc. Les chemins du sacré, c'est effectivement la capacité qu'a l'homme, à travers une voie X ou une voie Y, de s'intégrer dans la nature. C'est bien ça, le grand message qui a été passé, s'intégrer dans la nature, parce que c'est là où les choses se passent. C'est notre démarche vers le merveilleux, c'est notre capacité à nous marier avec la nature pour aller vers la divinité. Et si vous avez bien regardé, si tu as bien regardé, Rodrigue, tu t'es aperçu que souvent, les cheminements se faisaient dans des beaux endroits. Mais, hein, c'était des beaux endroits et, parce que l'endroit était porteur. Et c'est peut-être un exemple à suivre ou pas, j'en sais rien. Moi, j'alimente la discussion, après, on en fera ce qu'on veut. Mais je pense que pour rejoindre le sacré, il faut passer par un sas qui nous sublime un petit peu, nous donne envie de nous projeter vers le merveilleux. Et le merveilleux, c'est pas n'importe quoi. C'est un cheminement, une voie très étroite, mais qui va nous permettre de monter des marches progressivement, quoi. Est-ce que tu te souviens justement de ces marches, et notamment de ces Japonais qui étaient bien habillés, tout blancs, etc., qui montaient sur leurs montagnes pour rejoindre des sites merveilleux, là, en l'occurrence, mais merveilleux dans le sens profane. Et c'était des beaux endroits, quoi. Ça donnait envie. Et nous sommes soumis à nos endroits. Nous sommes soumis, notre corps est dans la nature, une nature urbaine ou une nature agricole, mais cette nature-là nous environne et nous n'avons qu'un seul objectif à avouer, c'est de se marier avec cette nature. Et pour se marier, eh ben, faut avoir envie, quoi. Tu vas pas épouser quelque chose qui te convient pas, quoi, qui n'est pas à la portée de, qui correspond pas à tes attentes. Donc le jardin est un chemin qui peut ou doit, ou moi je propose la discussion, hein, j'ai pas de réponse, hein, mais je pense qu'il faut qu'on pense autour de cela, de savoir quels sont les critères que nous attendons pour nous marier avec la nature et aller à reconnaître le divin. Alors, je rebondis sur ce que tu viens de dire ne m'étonne guère. Voilà, c'est-à-dire... on a l'habitude de voir ces chemins du sacré tout le temps dans des endroits assez fantastiques, un peu comme si il y avait une relation dans les deux sens, et c'est là qu'il peut y avoir une confusion là-dedans. C'est il y a des personnes, bon, j'avais entendu aussi et écouté des personnes qui vont dans des endroits propres à la méditation. Donc il y a des endroits qui sont préparés pour la méditation, il y a des sites fantastiques qui sont tout à fait intéressants pour la méditation aussi, pour en fait se sentir petit par rapport à quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre qui est en face et qu'on ne voit pas forcément, mais dont on voit en tout cas les effets. C'est-à-dire le super paysage. Et c'est vrai que méditer dans une, entre quatre murs dans une prison, c'est pas évident. Beaucoup moins évident que devant le Fujiyama ou le Grand Canyon ou la mer. Et c'est aussi par là que les gens arrivaient sur le site, au Jardin Merveilleux, en disant « mais il y a une superbe vue là », ou bien, ça commençait toujours par ça, c'était « il y a une superbe vue », ou bien « la falaise est très chouette, très pittoresque », voilà. Ça commence déjà, en fait, par la vue, en fait. Il faut impressionner, voilà. Est-ce qu'il est nécessaire d'impressionner? Là, moi, je pose la question. Bah, moi, ma réponse, elle est extrêmement simple. Je pense que nous sommes des corps sensibles. Sensibles à des tas de choses. Sensibles à des problèmes, sensibles à des choses merveilleuses, sensibles au beau. Hein? La beauté fait partie de nos critères, selon nos schémas culturels ou autres. Donc, je pense que ça fait partie du cheminement. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Rodrigue, toi ? Disons, je pense que un lieu impressionnant, ça peut beaucoup aider à chercher le divin, à trouver le divin. Mais ce n'est pas une condition sine qua non. C'est une aide, à mon avis, pour avancer, mais ce n'est pas l'essentiel, je dirais presque. Et c'est clair qu'on a vu ces aborigènes, ces gens en Australie, au milieu du désert, dans une grotte, avec rien qui poussait là autour. C'est impressionnant comme paysage, mais c'était extrêmement pauvre, aride et primitif. Et les gens qui étaient dans cette grotte, qui faisaient quelques dessins et comme ça, tout ça, c'était très primitif. Mais d'une certaine façon, la beauté, c'est naturellement magnifique, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas la condition pour, disons, ça va aider la vue à relever vers le bas, vers l'eau, est extraordinaire. Ça aide, c'est clair. Et en plus, il y a des fleurs, c'est aide, mais ça attire, je crois. Oui, mais il y a aussi beaucoup de touristes qui cherchent des lieux magnifiques juste pour le plaisir. Mais donc ça aide. Mais maintenant, c'est le prochain pas. À partir de la nature, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va, en fait? À mon avis, ce qui aide beaucoup, c'est horrible ce que je dis, mais c'est la crise du Covid. C'est un coup d'arrêt monstrueux qui fait que les gens sont condamnés à réfléchir et ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils font. Et c'est une combinaison de ce genre de choses qui fait que un cocktail d'éléments, que ce soit le paysage ou d'un virus ou d'une guerre, qui font que souvent ce sont les moments les plus propres pour essayer de se dire mais qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va, d'où est-ce qu'on vient, et ce genre de questions élémentaires. Mais c'est clair que pour si le jardin merveilleux à Auray est attirant et beau, facilitera les gens à entrer dans le jardin. Ça, c'est une évidence. Ben, c'est ce que j'essaye de faire un peu transparaître dans la lettre que j'ai envoyée, disant que, en fait, c'est ce fameux coup d'arrêt, c'est s'arrêter dans cette course. Voilà. Et si on ne s'arrête pas, moi je vois ça, je vois ma fille qui court aussi, qui continue de courir, mais tout le monde court. Enfin, à partir du moment où tu as des charges financières, il faut que tu gagnes des sous, enfin, il y a tout un cirque qui se met en place et qui fait que qu'est-ce qui reste comme temps pour réfléchir. Donc il reste en fait des catastrophes naturelles. Qui font que tout d'un coup, y a quelque chose qui se passe et qui t'oblige, en fait, ce coup d'arrêt monstrueux, qui t'oblige à réfléchir, ou alors tu réfléchis pas, c'est-à-dire tu es dans le sauve-qui-peut, à savoir il faut absolument que je me sorte de là et que je revienne à l'état initial, parce que j'étais mieux dans l'état initial que maintenant. Et ça, c'est un peu la politique d'aujourd'hui. C'était mieux avant qu'après, que maintenant, quoi. Ouais, mais Philippe, je crois qu'il faut mettre bon ordre dans tout ça, là. nous ne sommes pas des cénobites. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire que, il y a quelques siècles, l'homme s'arrêtait, rentrait dans un monastère et se consacrait à Dieu dans une enceinte qui était quand même close et qui, loin des tentations, mais n'était quand même pas tout à fait désagréable, à ce qu'on en sache. D'autres, et je reviens aux cénobites, lorsqu'ils sont revenus de Palestine avec la mère du Christ pour répandre la religion chrétienne en Europe, qu'elles sont arrivées, les Saintes Maries sont arrivées aux Saintes Maries dans les côtes sud du pays, elles se sont répandues avec quelques archevêques qui étaient là pour évangéliser le monde. Et ceux-là, on a pu les retrouver parce qu'ils se sont réfugiés dans des cavernes où ils avaient une existence très ardu, très difficile, mais préoccupé par Dieu, il ne voyait que par Dieu et tout le reste ne les intéressait pas. Donc, il y a plein de chemins possibles. Donc, s'il y a plein de chemins, qu'est-ce qu'on veut faire de ces chemins ? Est-ce qu'on veut les partager avec d'autres ? Si on veut les partager avec d'autres, on va peut-être éviter de les envoyer dans une caverne remontant à plusieurs siècles. Quel vecteur on veut mettre en marche ? Moi, je crois qu'il y a une doctrine à avoir, si tu veux. Et la doctrine qui consiste à dire il faut qu'il y ait des grands événements pour que l'homme se remette en cause, oui, c'est un des éléments. Mais l'homme n'a pas besoin de grands éléments pour se remettre en cause. Certains n'ont pas attendu une guerre ou un Covid quelconque pour se remettre en cause. Ils l'ont fait de par ils se sont mis en mouvement, tout seuls, indépendamment des autres. Mais c'était une démarche solitaire. Alors que le jardin merveilleux n'est pas une démarche solitaire. Le jardin merveilleux, il faut qu'il émerveille. Alors, à quel étage, de quelle façon, avec qui, comment, etc. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans nos discussions des jeudis après-midi. C'est de trouver la bonne voie qui va m'intéresser moi et puis qui pourra intéresser d'autres congénères avec qui je pourrais partager. On est toujours dans l'échange, on est toujours dans le partage. On n'est pas dans une voie égoïste qui s'inscrit sur du repli sur soi. Non, on est dans le partage. Donc, si on veut partager le divin, il faut être capable de partager l'humain. Il faut être capable de se mettre en marche tous ensemble. Mais pour ça, il faut une doctrine, il faut une ligne de conduite, il faut qu'il y ait des signes de reconnaissance. Pourquoi, Philippe, je t'ai enquiquiné au départ pour qu'on travaille la symbolique ? Parce que le symbole, c'est quelque chose qui se partage relativement facilement. Un symbole, c'est neutre, ça n'agresse personne, et tout le monde se reconnaît dans ces mêmes signes. Donc, à mon sens, c'est le chemin, c'est dans un chemin comme ça que ton jardin deviendra merveilleux. Merveilleux pour toi, merveilleux pour nous, et surtout merveilleux pour les autres. Parce que c'est les autres qui sont importants, en ce qui me concerne. Je sais pas, Rodrigue, qu'est-ce que tu dis, toi ? Je pense en effet que le partage est obligatoire. C'est clair et net. Et puis, on peut s'influencer d'une façon tout à fait positive. Nous aussi, on peut apprendre d'autres personnes des choses magnifiques qu'on peut intégrer. Donc, c'est enrichissant de toute façon. Mais on peut aussi aider ce couple qui a vu son jardin disparaître. Complètement. Ils se pressent, on est aussi là pour eux. Et juste déjà en écoutant, on joue déjà un rôle pour eux et d'avoir une certaine compassion. Et c'est clair que le chemin vers un monastère ou comme faisait le père du désert, se retirer, je ne sais pas où, c'est naturellement une voie, mais qui peut toujours se faire sur n'importe quel lieu. Mais ici, avec ce jardin merveilleux, avec ces belles idées des jardins suspendus, comment dire, ces échanges, comment dire, quand on pense à Jésus, il considérait l'autre est supérieur à lui. Donc il était à l'écoute, il était là pour l'autre, presque jusqu'à en mourir, hein, c'est ce qu'il a fait. Donc on doit avoir beaucoup de considération, en effet, pour l'autre. Et pour revenir à la nature, Claude, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une belle porte qui invite, si on réussit à faire ça, on a plus de résultats. Il y a mon côté efficace. Si on avait fait ça dans le Bronx, à New York, c'est une autre histoire. Mais la beauté joue un rôle. Et une toute petite chose peut tout modifier chez une personne. Donc, si on peut embellir ou si on peut choisir un lieu merveilleux avec des choses particulières, c'est important. Tout en laissant naturel, pas faisant des drôles de choses. Mais, donc la beauté du lieu, le côté inspirant, est très important pour la réussite du jardin merveilleux. Et c'est magnifique ce que Philippe fait déjà avec ce jardin, puisqu'il le rend accessible et accueillant, tout en restant privé et secret, mais disons, excuse-moi Philippe, je ne suis pas clair, je vois tes yeux, je commence à dire peut-être n'importe quoi. Non, mais en résumant, la nature magnifique, le lieu inspirant, ça aide, mais l'échange, l'écoute, c'est enrichissant, ça ne fait que avancer les choses. Mais pour avoir cette discussion, il faut que ce soit les invités ou impressionnés, que ce soit un écriteau ou même trois écriteaux dans le quartier pour montrer où se trouve le jardin merveilleux. Hein, ça, c'est toujours possible. Mais il faut attirer, se faire remarquer. Je pense que ça, c'est très important. Mais Claude, juste permets-moi de revenir à ce programme. Il est une évidence que tous ces lieux qu'on a vus, Philippe, c'était, je crois, une dizaine de lieux extraordinaires où la nature joue un très grand rôle. Il est clair que l'homme sent là, disons, l'importance de la nature pour avancer. Donc la nature est mise sur un plateau pour et qui démontre le lien entre le divin et la nature. Et c'était ça que j'aimais beaucoup de ce programme. J'ai trouvé très impressionnant. Je ne sais pas si on peut le revoir. C'était sur Arte. Oui, c'est en replay, tu peux le revoir. Ouais. Tu peux le revoir, mais... Oui, voilà, donc... Mais c'était la nature et pas que. Je vais prendre un exemple, et c'est le premier, parce que c'était pour éclairer la lanterne de Philippe, c'était des petits documentaires à chaque fois, d'une dizaine de minutes chacun. Et le premier de ces documentaires, effectivement, c'était les aborigènes. Des aborigènes qui vivaient, qui retournaient sur les traces de leurs ancêtres, sur la grotte des traces de leurs ancêtres. Et qu'est-ce de l'âge de la pierre, oui. Ouais, de l'âge de la pierre. Et qu'est-ce qui se passait là? Là, il y a eu un rite que j'ai trouvé tout à fait étonnant. À un moment donné, tu vois un de ces aborigènes qui prend un tesson de bouteille et qui se coupe le bras, la hauteur où tu vas te faire vacciner, quoi, un peu plus bas. Et là, il recueillait le sang. Et ce sang-là, qu'il recueillait dans une bouteille plastique quelconque, il venait l'appliquer sur un petit bonhomme, une tête, un corps, deux jambes, deux bras, petit bonhomme qui avait été fait par le grand-père, l'arrière-grand-père, etc., etc. Et chaque fois, il revenait avec son sang pour marquer sa trace. Moi, j'avoue que ça m'a impressionné parce que ça démontre le passage, hein, il y a le rite de passage, ça démontre le sacrifice, ça démontre le recueillement vers les ancêtres, il y a un certain nombre de mécaniques qui se mettent en marche là et qui sont, spirituellement parlant, extrêmement fortes. Voilà. Très fort. Hein? Voilà, donc, là on est en train de sortir un petit peu de nos cheminements, est-ce que le jardin merveilleux est là pour nous conduire vers le sacré? Rappelle-toi, Philippe, ça a fait partie des premiers travaux qu'on a fait ensemble, et je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels on doit bien travailler, bien communiquer et être bien en phase avec le monde extérieur qui va être intéressé par ça. Et je peux dire que les podcasts, depuis quelques semaines, sont de plus en plus vus par des gens de l'extérieur. Ils ont été référencés par Google, et donc il y a des gens qui viennent. Est-ce qu'ils reviennent? Ça, je ne peux pas le dire pour l'instant, mais pour l'instant, ils viennent. Tu as l'air troublé, Philippe. Il faut que tu regardes ce programme, ce serait bien. C'est pas le temps. Je dirais que, oui, je vais le regarder, mais dans cette quête spirituelle, c'est une quête de vie. Hein, et même si vous êtes plus âgé que moi, j'ai quand même 63 derrière. Et on en a vu d'autres. Documentaire, d'autant plus qu'il y a un moment, même quand on était petit, les parents ne souhaitaient pas qu'on regarde Walt Disney, mais plutôt des trucs qui étaient un peu formateurs. Et donc, en noir et blanc, on avait accès à ce genre de choses, mais pas forcément à Zorro ou... voilà. Hein. Et puis, pour avoir visité aussi des lieux très particuliers, où justement, on parle des aborigènes avec des grottes qui, bon, où il y a d'autres endroits qui ont accueilli des anciens pendant longtemps. En Grèce, il y avait des trucs comme ça. En Italie, il y avait des trucs comme ça. On est allé en Afrique du Nord, il y avait des trucs comme ça aussi. Où, en fait, il y a quand même des gens qui ont réfléchi. Qui en fait se posaient des questions sur la vie. Est-ce que c'est où est-ce qu'on va et tout ça avec les moyens du bord. Les portées symboliques, il y en a partout puisque en fait dans notre recherche historique, Partout, on trouve des valeurs de symboles. Ça impressionne toujours. On va dans les cathédrales aussi pour voir toute cette partie symbolique, pour être impressionné par ces symboles, les gorgones, tous ces trucs-là. Est-ce que pour autant, la multiplication, j'allais dire un peu sarcastiquement touristique, de la visite ou de la connaissance de ces endroits-là, fait tellement avancer l'humanité? Je ne suis pas vraiment sûr. Voilà. Je vais en rajouter, je dirais, en regardant cette émission, dont j'ai vu, en fait, j'ai commencé par lire en fait des descriptifs et des commentaires pour savoir un peu de quoi il s'agissait avant de voir. C'est-à-dire, ça va rajouter en fait plus de, je dirais, un peu plus de mots et de. C'est pas vraiment de l'expérience parce que c'est on regarde mais on ne fait pas partie d'eux. Pourquoi on ne fait pas partie d'eux? Pourquoi tu dis ça? Qui te dit que lorsque tu regardes quelque chose comme ça, tu ne fais pas partie du système? Moi, j'ai fait partie du système. Pas dans tout, mais dans certaines parties. Je me suis bien reconnu dans certaines démarches. Oui, tu t'es reconnu, mais est-ce que tu t'y es investi dedans? Pas dans la leur, en tout cas. J'ai 40 ans d'investissement dans la symbolique et la spiritualité, j'ai mon expérience, tu vois, c'est pas un truc né d'hier ou d'avant-hier. Et je sais ce qui me correspond. Je sais dans quoi je suis bien. Je sais ce qu'il me faut, moi, pour avancer. Ah, mais là, est-ce que vous me permettez de juste lancer une question? Est-ce qu'on a besoin d'un lieu géographique pour avancer? Et là, on revient de nouveau au jardin merveilleux. Est-ce que le passage est... quel est le rôle du jardin? Est-ce qu'on peut mener une vie sans être lié à un lieu géographique, ou est-ce que c'est quand même important? On peut parler là de la nature qui est en train de s'effondrer, le réchauffement climatique et tout ça. Donc c'est évidemment important, mais est-ce que c'est essentiel ou pas? Enfin, c'est une question. Voilà, là, je reprends. Je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est à propos d'outils. C'est-à-dire qu'il y a des outils qui permettent de, si on est tourné vers les autres, qui permettent de trouver le facteur déclencheur. Pour certains, c'est le lieu, c'est la beauté du lieu géographique. Pour d'autres, et c'est un peu ça que, c'est un peu le côté l'épanouissement que j'ai fait pendant ce mois de mars, c'était de donner différentes façons d'aborder la chose. Et en fait, c'est interpeller. Est-ce que c'est il faut la beauté du lieu pour interpeller? Pour d'autres, c'était mais qu'est-ce qu'il fabrique là avec ses palettes? Donc c'était pas tellement la beauté, c'était c'est curieux ce qu'il est en train de faire. Pour d'autres, c'était les fleurs qui étaient au ras des murs parce qu'il y avait une myriade de primes vertes de toutes les couleurs à cet endroit-là. Pour d'autres, c'était la falaise à un endroit. En fait, j'ai multiplié pendant ce mois de mars, j'ai multiplié les raisons d'être interpellé. Donc, ce sont des outils. Et les outils, dans les outils, il y a les articles de journaux, puisque Telegram, ça a marché. Ouest-France, c'est depuis plusieurs fois que c'est fait. Mais en fait, les articles de Ouest-France, je dirais le plus symbolique et spirituel qu'on a vu dans les articles, c'était projet à contre-courant. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à Ouest-France, il nettoie un petit peu, il gomme un peu le côté appel spirituel, en gros. Sans doute parce qu'il doit y avoir une rédaction un peu, je dirais, allergique à ce genre de choses. D'ailleurs, c'est ce que disait aussi la dame du télégramme. Elle m'a dit, en gros, vous avez de la chance d'être tombée sur moi parce que dès qu'il y a une petite portée spirituelle dedans, en fait, l'article est systématiquement écarté. Là, il se trouve que les autres n'étant pas là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Et donc, elle a fait ce qu'elle a voulu. Je ne sais pas si par la suite, elle a eu des retours positifs ou négatifs de la part de sa direction, mais elle l'a fait. Voilà. Philippe, je m'excuse, tu ne réponds pas à Rodrigue. Rodrigue, il te pose la question simple. Est-ce qu'il faut des lieux privilégiés pour accéder au sacré? C'est un peu ça, Rodrigue, hein? Bon, c'est ça sa question. Et j'ai répondu ah bon? En fait, le lieu géographique, c'est un outil. L'endroit, la beauté du lieu, c'est un outil. Pour moi, comme outil aussi, c'est le fait de dire le don défiscalisable, c'est un outil. Les outils à disposition pour le jardin, c'est un outil. Voilà, ce sont des outils. C'est pas d'un outil dont Rodrigue a besoin. Moi, j'ai pas besoin d'un outil, des outils. J'en ai tant que je veux. Par contre, j'ai besoin. Rodrigue te pose la question. Est-ce qu'on a besoin de lieux privilégiés pour faire avancer notre spiritualité? Toi, le lieu, tu transformes ça en outil. Est-ce que le jardin merveilleux est un outil? Peut-être que oui. Je vais poser une question impossible. Peut-être que oui. Je m'excuse, mais non, Rodrigue, non. Ne t'excuse pas, parce que ce faisant, on essaye de répondre à la question de savoir ce que doit être le jardin merveilleux. Est-ce que ça doit être un outil technique? Et si oui, bon, de quelle façon, Philippe? Il répond à sa façon en disant oui, c'est un outil sur lequel je vais suspendre, etc. Etc. Bon. Mais est-ce que c'est suffisant, ça? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'autre chose? Il y a en tout cas une chose qui nous dépasse, c'est cette nature, avec toutes ces règles, ces lois, avec ce qui se passe dans la nature, qu'on met en avant, mais au fond, qu'on ne maîtrise pas très bien. Et c'est déjà, c'est autre chose que, comment dire, la défiscalisation de... Bien sûr. Mais disons, ce côté un peu aventurieux, sans qu'on comprend comment ça fonctionne, tout cela. Oui, c'est un outil, mais c'est aussi un peu, je ne veux pas dire un pari, mais ça démontre que nous, comme hommes, il y a des choses qui nous échappent, alors on essaie d'en faire le mieux, mais ces lieux ont leur loi, leur équilibre, nous, on ne maîtrise pas du tout cela. On maîtrise peut-être le dessin au niveau du cadastre, du village, etc. Mais disons, on ne maîtrise pas du tout. S'il y a des abeilles qui vont faire un nid d'abeilles, c'est ça qui est quand même particulier avec la nature. Donc, il y a une partie inconnue qu'on met en avant, mais qu'on ne maîtrise pas, en fait. Pourquoi on ne se servirait pas de l'expérience de nos anciens qui ont construit des machines à faire du sacré, crypte, église romane, église gothique, et ces machines à faire du sacré, c'était des machines qui te propulsaient vers le divin, d'une façon ou d'une autre. Ça peut s'appeler une pyramide égyptienne ou un tombeau de Pharaon, mais de toute façon, ça t'amenait à te poser les bonnes questions. Et quel est notre divin? Quel est ton divin à toi, Rodrigue? Quel est celui de Philippe? Quel est le mien? moi, c'est ça qui me travaille, moi. Moi, c'est ça qui me tarabusque. Bon, et c'est ça qui me gouverne à m'intéresser au jardin merveilleux. Mais pas un outil. J'ai pas besoin d'un outil. Des outils, j'en ai tant que tu veux ici. J'en ai plein ma cave, des outils. Donc, qu'est-ce que veulent les autres? C'est pour ça que ça me paraissait intéressant d'avoir l'avis des autres. Comment on peut interpeller les autres? Est-ce que, d'une part, avec une démarche... d'une part avec une démarche profane, mais d'un profane qui va les amener vers le sacré. Moi, c'est ça. Le profane, pour moi, c'est un tremplin qui va m'amener vers le sacré. Mais encore, il faut un bon tremplin, moi. Il y a l'apôtre Paul qui a dit que la parole de la croix vient déshabiller nos divins à nous. Donc, quand chacun a son Dieu, son divin, son idéal et tout ça, c'est pour ça que Jésus a été envoyé à la croix. C'est pour mettre fin un peu à ce que chacun porte objectif et ou comme Dieu mais bon là je parle de la part du côté de la Bible hein, mais c'est intéressant parce que moi j'ai quelque chose à dire là parce que effectivement Paul a voulu nous recentrer vers l'essentiel c'est ça ouais sauf que ça n'a pas marché. Expliquez-moi ou expliquez-moi pourquoi dans toutes nos constructions sacrées, on a une alvéole à tel saint, une alvéole à telle sainte, etc. etc. On a transformé ce monothéisme en polythéisme. Bon, donc, le recentrage que tu évoques, pour moi, il n'a pas marché. Bon. Il a eu lieu, mais il a été mal compris et interprété par les hommes bien qui sûr. Sont retrouvés dans toutes leurs histoires, leur pouvoir, leur quête de je ne sais pas quoi. Mais oui. Philippe, tu ne dis plus rien. Il note, et puis il a l'air contrarié par tout ce qu'on dit. Oui. Non, je note. C'est comme je vous l'ai toujours dit. Il y a les lignes, il y a les choses que l'on dit, et puis les choses qui surgissent entre ce que l'on dit. Et elles surgissent pendant et elles surgissent après. Donc c'est important que c'est assez important de vous écouter là-dessus. Moi, je ne sais pas pourquoi c'est ce jardin. Je ne sais pas pourquoi c'est la peinture de Michel-Ange qui, pour moi, pour l'instant, représente le lieu, puisque en fait, c'est entre deux doigts. Entre ces deux doigts, c'est un lieu géographique ou c'est déjà un lieu symbolique et un lieu spirituel? Il y a les trois au même endroit, en fait. Pourquoi, en fait, cette année, en fait, le thème, c'était « Jardin suspendu ». C'est pas moi qui l'ai choisi. Il se trouve qu'on est dans un endroit où on peut le faire et qu'il y avait la possibilité de le faire, on l'a fait. À dire pourquoi, là-dedans. Il y a tant de choses qui m'échappent, qui sont du ressort du futur que je ne maîtrise pas. Par contre, il y a une chose qui est absolument claire, c'est Claude, toi qui fais référence à tout ce qui est passé, c'est que le passé nous a pas économisé la violence de tous ces millénaires, ces siècles et ces millénaires qui viennent se passer. Donc, le côté symbolique a eu une limite. Et l'appel que je reçois, c'est justement à ne pas repasser par cette violence. Ah oui. Alors, si on fait référence à des choses qui ont déjà eu lieu et qui, en plus de ça, comme tu as dit tout à l'heure, ont échoué quand tu parlais de Paul, ben, c'est pour ne pas recommencer ce genre de choses. C'est, je ne suis pas, en fait, je ne suis pas appelé à recommencer quelque chose. Il s'agit en fait de faire. Claire. Et je suis plutôt dans celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. C'est plutôt ça. Et il y a eu beaucoup de choses hein, depuis des millénaires. Hein, quand tu parles de symbolique, c'est vrai que les Égyptiens, les Sumériens, il y avait énormément de... Il y a des civilisations qui ont beaucoup travaillé dans le symbolique, même côté américain, les Aztèques, les Mayas et tout ça. Il y a énormément de choses qui sont très, je dirais, très interpellantes, mais qui, finalement, n'ont pas empêché ces civilisations de disparaître, n'ont pas empêché les guerres, et n'empêchent toujours pas aujourd'hui même, même avec la réforme, même avec tout ce que l'on sait sur les capacités de l'amour, ce qui a été écrit comme l'amour plus fort que la mort, etc., ça n'empêche pas. Voilà. Donc, il y a encore, c'est justement ce nouveau chemin qui est le jardin merveilleux. Et comme je disais il y a quelque temps, je le voyais un peu, ce jardin, comme un nouveau type de temple, une nouvelle cathédrale, si on peut dire. J'aime pas trop le terme cathédrale, parce que la cathédrale, c'est un temple consacré par le pape, enfin, c'est différent. Mais c'est vrai que quand on parle de cathédrale, ça fait tout de suite monumental. Voilà. Et quand on parle de temple, ça fait presque trop petit pour notre civilisation actuellement. J'arrête là pour l'instant. Ouais, mais si tu veux, bah, il faut des références. Moi, pour fonctionner, j'ai besoin de références. Oui. Comme tu l'as dit, on a 70 ans derrière nous. Bah, pendant 70 ans, il s'est passé un certain nombre de choses. Et moi, je sais que dans les choses qui m'ont fait grandir, eh bien, la spiritualité m'a fait grandir. La spiritualité est quelque chose que je revendique parce qu'elle m'a fait grandir. Bien sûr que dans le même temps, il y a eu des guerres, il y a eu des... etc. L'amour m'a fait grandir. L'amour est plus fort que la mort. Et heureusement. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment tu vas nous gouverner pour avancer ? Vers où on va ? Vers où veux-tu nous emmener ? Comment veux-tu y aller ? Etc., quoi. Mais à un moment donné, il va falloir t'ouvrir. Mais qu'est-ce que ça veut dire ouvrir ? Alors là, je réponds à chaud. Ouais, mais je vais te répondre. Et moi, je viens de dire que je ne maîtrise pas tout. Que le futur, bien, je dirais, il y a des gens qui sont payés pour prévoir le futur, sont payés cher d'ailleurs, hein, les ingénieurs météo qui se plantent tout le temps. Enfin bref, il y a quand même pas mal de gens qui sont là pour ça, les économistes qui disent voilà comment ça va se faire, comment ça va se passer. Bon. Et c'est toujours en référence à ce qui s'est passé aussi avant. Et ces références, elles ne sont pas à jeter. Bien que tu m'aies dit de nettoyer un petit peu dans mon passé les choses qui m'ont fait souffrir. Je te le redis encore ce soir, parce qu'elles surgissaient encore. Et elles surgiront toujours. Mais voilà, bon, peut-être... Moi, il y a un truc qui ne m'a pas fait souffrir beaucoup, c'est le Covid-19. il ne m'a pas trop enfermé. Il y en a d'autres, ça les a beaucoup enfermés. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont été enfermés. Voilà. Et je dirais que je ressens le passé et je ressens le vôtre aussi, puisque vous êtes plus ancien que moi, comme, en gros, j'allais pas dire le fond de la piscine, mais l'endroit où on va donner le coup de pied pour remonter, mais non pas à la surface qu'on connaissait avant, mais sur une autre surface, un peu comme de l'autre côté d'un siphon, où en fait on passe d'un côté et on descend dans l'eau, et puis il faut remonter de l'autre côté. Et c'est là que j'ai besoin de vous. Et ce besoin de vous, c'est parce que le siphon, ben ce sont les autres, c'est vous. Voilà. C'est nous. Eh ben, Rodrigue, on est des siphonneurs. Ah, ben tu vois, s'il faut des images. Et tu sais qu'il y a des vortex dans les siphons. Oui. Bon, tu sais, Je sais que ça peut être dangereux, le vortex. Tu sais que ça peut être dangereux. Bon. Il peut y avoir des écoulements laminaires et écoulements turbulents. Bon. Voilà. Et il peut y avoir aussi des matières solides. Bon. Ouais, mais pour ça, il y a des appareils. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je peux juste vous donner un mot au sujet du chapitre 9 de Marc ? Le chapitre, qu'est-ce que c'était ? 11. C'est verset 9 à 10. Qu'est-ce que j'ai bien dit ? Oui, le chapitre 11. Oui, de 1 à 10. Et c'est intéressant, juste en deux mots. Jésus se met en route dans un lieu absolument quelconque avec ses disciples et ils vont dans la direction de Jérusalem. Et rien n'indique ce qui va se passer, même si les gens savent que Jésus sait guérir, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a une attente de la gloire auprès des gens. Jésus laisse l'ambiguïté par rapport à leurs attentes. Et c'est ça qui est très pénible, ce sont les attentes. Ses propres projections, ses propres attentes, c'est déraisonnable à l'égard de Dieu, souvent. Hein. On s'attend à des miracles, etc. Et en fait, ce qui se passe, en deux mots, dans ce texte, c'est qu'il ne passe rien du tout. Il entre à Jérusalem, il entre dans une église, il ressort de l'église. Et ça veut dire que le roi vient autrement. Ça veut dire qu'un autre royaume viendra, mais en tout cas pas selon toutes ces attentes des gens. Et c'est ça qui... On se dit, ah, oh, Jésus va à Jérusalem, voilà, maintenant, c'est là que ça va se passer, les gens, les attentes, des guérisons, mais non, pas du tout. Et c'est très perturbant, puisque Jésus... se rend serviteur, il considère l'autre supérieur à lui-même. Et puis, la question clé est, comment est-ce que je garde les yeux ouverts quand il ne vient pas comme nous le souhaitons ? Et j'ai trouvé cette phrase très intrigante. Comment est-ce que je garde les yeux ouverts quand il ne vient pas comme nous le souhaitons. C'est de nouveau l'histoire des attentes. Hein. Et on a des attentes, mais tout l'art est de garder les yeux ouverts. Et j'espère tellement que tous ces promeneurs et ces visiteurs du jardin merveilleux qui ont tous leurs idées fixes, leurs attentes, et comme ça, comment est-ce qu'on peut ouvrir leurs yeux ? Certains ne voudront pas, mais ceux qui gardent les yeux ouverts, qui sont prêts à être ouverts à autre chose, c'est eux qui sont, je ne veux pas dire lucides, parce qu'ils ne savent pas du tout ce qui va se passer, mais comment est-ce qu'on fait en sorte à ouvrir les yeux aux autres. C'est bien, enfin, Roderick, c'est bien ce que tu dis. Peur sur les attentes et qui m'a beaucoup travaillé tous ces derniers jours. Et c'est un texte de rien du tout, il ne se passe rien du tout. La seule chose qui se passe, c'est qu'il demande à ce qu'on amène un âne, un jeune âne, pour qu'il puisse s'asseoir dessus. Donc, c'est le côté humble du Christ. Mais il ne va pas du tout faire une grande prédication à Jérusalem ou guérir des gens, pas du tout. Il ne se passe rien dans ce texte. Juste qu'il y a certaines personnes qui jettent leurs habits par terre pour que, comme signe de respect et d'espoir. Alors, on peut aborder les choses de différentes façons. Oui, alors ça m'intéresse beaucoup. Les attentes, quelles sont-elles? Mais je reviendrai sur le texte que tu viens d'évoquer, où effectivement c'est l'arrivée du Christ à Jérusalem, qui vient là pour mourir. Lui le sait qu'il vient pour mourir. Lui le sait, et les gens, non. Hein? Les autres ne le savent pas, mais lui le sait. Et il vient mourir. C'est-à-dire qu'il est obligé, et c'est ça qui est intéressant dans la démarche du Christ, il est obligé de rentrer dans une démarche profane pour mourir au sacré. On va l'encenser tout le long de la montée à Jérusalem en lui mettant des palmes sous son âne, en mettant les vêtements, etc., etc. Lui sait qu'il va mourir, mais c'est son affaire à lui, c'est la promesse qu'il a faite aux hommes, et c'est le mystère, c'est son grand mystère, en fin de compte. Bon. Alors maintenant, nous, au milieu de tout ça, je crois qu'on a besoin, nous, petite nature très faible, on a besoin qu'on nous ouvre les yeux et qu'on nous donne envie. On a besoin de on a des envies à satisfaire. Nous sommes humains, bon, donc on a des envies à satisfaire. Une des démarches qu'on expliquait bien dans les chemins du sacré, dans l'émission de télé, c'est que les bouddhistes, eux, n'ont pas ces envies. Eux, ils ont su laisser les envies de côté et dépasser tout ça pour s'inscrire dans leur démarche dans leur démarche sacrée. Donc, nous, on a nos envies. Quelles sont les envies qui peuvent rassembler? Quelles sont les envies qui peuvent fédérer? Quelles sont les envies qui sont valeurs d'exemple? C'est tout ça, en fin de compte, ce à quoi il faut répondre. Et quand Philippe dit de façon un peu énervante, « Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. » Bon, voilà. Alors, moi, j'aurais tendance à lui dire, « Ouais, mais quelles sont tes envies? Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te fait fonctionner ?» Donc, moi, je crois que c'est à ça qu'il faut répondre. Non pas pour donner un sens à une démarche profane, mais pour donner une voix qui va éclairer la voie du sacré. Voilà. Moi c'est ça qui m'intéresse. Absolument, oui. Hein? Bon, et quant au Christ qui monte assis sur son âne, etc., bon, il allait tout simplement à la mort. Mais non pas à n'importe quelle mort, une mort glorieuse. Oui. Et qui a été incomprise, qui a été incomprise de ses congénères. Absolument. Personne n'y croyait à ça. Bon, Philippe. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de prendre le thème de la fois prochaine, justement, la question qu'a posée Roderick, parce qu'il y a de quoi bûcher là-dessus. Comment garder les yeux ouverts quand le merveilleux ne vient pas comme nous le souhaitons? Là, d'entrée, en fait, la question était bien posée. Claude a tout de suite en fait bondi là-dessus. Ça prouve qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi dire. Déjà, moi en tout cas, ça me pose ça me fait venir plein de choses. Donc, ça vaut la peine de bûcher dessus. Okay. Parce que en fait, c'est la question que le tout un chacun va se poser lorsque on va étaler un calicot en disant ici c'est le jardin merveilleux. Donc disons qu'ils vont regarder, mais attendez, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Et c'est un peu là-dedans que je rentrais quand j'ai mis dans la lettre c'est quoi un jardin merveilleux? Pour déjà un peu donner quelques pistes à ceux qui reçoivent la lettre. Et quand ça ne vient pas comme nous le souhaitons, est-ce qu'on est prêt à garder les yeux ouverts? Voilà, c'est assez intéressant. Ça, c'est une très bonne question, très bien posée. On se voit quand? Jeudi 15h. Alors, le 15, c'est jouable. Je serai chez ma fille. Je peux juste rebondir avec une phrase que j'ai entendue hier à l'église, c'était oui. Ne crains rien, crois seulement. Oui. C'est 5 mots. Oui, mais ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. C'est aussi, il faut oser, il ne faut pas avoir peur. Et quand je pense à ce couple qui a fait ce beau jardin pendant des années, qui doit être totalement désillusionné, comment est-ce qu'on peut leur dire de garder les yeux ouverts? Oh là là, pas évident. Ça, moi, en tout cas, ce séjour m'a, comme disait Claude, les couples qui sont arrivés ont été très représentatifs de ce qui existe dans notre société, c'est-à-dire des personnes qui, par exemple, je sais que là, j'ai un oncle qui était comme ça, qui a bâti en fait une super entreprise d'électronique et bon, ça marchait très très bien, et puis du jour au lendemain, pouf, Alzheimer. Et donc, en fait, c'est tout d'un coup plein de projets, d'illusions et de choses comme ça qui partent en fumée. Il y en a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Il y en a beaucoup. Et en fait, ces couples avec lesquels j'ai discuté, et c'est là que je rejoins Roderick, c'est important de discuter, de prendre le temps de discuter. Comme je disais, entre samedi et dimanche, j'ai très peu travaillé parce que j'ai beaucoup discuté. Et pas évident. Hein. C'est bien parce que j'ai noté moi tous ces trucs-là. Je les ai notés dans ma mémoire. Cette façon d'arriver en fait en fin de vie ou bien d'aborder la vie pour certains jeunes sans rêve, sans illusion, mais l'illusion ça a un double sens. C'est pour ça que sans espérance, sans espoir. Et là, il y a quelque chose à faire. Et la question que tu as posée là sur comment garder les yeux ouverts. C'est-à-dire qu'à un moment, quand le merveilleux ne vient pas comme nous le souhaitons, au bout d'un moment, t'as envie de fermer les yeux puis de laisser courir. J'ai l'impression que ça serait presque pour moi suffisant pour justifier Alzheimer. C'est-à-dire, ça va comme ça, terminé. Terminé pour moi, je laisse tomber. En gros, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas une maladie qui est due un petit peu à ça? C'est-à-dire, en fait, comme ça n'a rien changé, je préfère laisser courir et puis abandonner, quoi. Là, c'est une grosse question que tu as posée, Roderick, qui se pose à tout âge. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que se présente Alzheimer. Hein. Non, je sais bien. Alzheimer, c'est pas démissionner. C'est pas une démission. C'est Alzheimer, c'est que tu te retrouves déconnecté. On a coupé, on n'a pas mis l'interrupteur, quoi. Donc tu te retrouves déconnecté, livré à toi-même, et séparé des autres. Je sais pas si moi je... Ouais, bon. Alors, tu peux redire le thème que tu as noté, Philippe ? Comment garder les yeux ouverts quand le merveilleux ne vient pas comme nous le souhaitons ? D'accord. Ok. C'est un rôle. Alors, qui, en fait, dernière chose, qui entamera la conversation ? Est-ce que c'est Roderick qui a suggéré, en fait, cette question ? Ou est-ce que l'un de nous trois... C'est toi qui l'as formalisé. Ben ouais, il faut aller jusqu'au bout. D'accord. C'est toi qui l'as formalisé, Roderick l'a suggéré, certes. Mais non, c'est bien. C'est toi qui l'as suggéré, c'est toi qui l'as... Ouais. Donc, d'accord. Donc ça marche. D'accord. Donc c'est moi qui commencerai. Oh. Allez, eh ben écoutez, un grand merci à tous les deux de ce bon moment. Merci à toi. Et merci de nous remettre en selle et au travail. Oui, oui. Et au boulot, bonne santé, bonne soirée à vous tous. Au revoir Claude. À la semaine prochaine. Au revoir.